boys and girls, this is Rip and Roach. Et ce soir, il s'agit d'un pop and rock un petit peu exclusif puisqu'il va retracer notre aventure, notre courte aventure à Musilac avec notamment Iggy Pop. Était donc à Musilac et nous l'avons découvert avec Nida pour la première fois, 74 ans au compteur, petit bonhomme, tout tordu, mais quel talent! Through the We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How it rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. This is a winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, but it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Il y a quelques mois, j'avais lancé une demande auprès des organisateurs de Musilac pour avoir une petite accréditation presse pour votre émission préférée Pop and Rock. Votre émission préférée, bon, revenons à notre Musilac. En tout cas, très gentiment, Sébastien et Anaël nous ont répondu pour dire pas de problème, on vous invite et vous aurez les mêmes conditions que la grande presse nationale. Donc, on en a profité, notamment pour rencontrer un des festivaliers, le dénommé Mehdi. Pas de soucis, pas de stress. Bonjour à tous, je m'appelle Mehdi Soivny. On est en direct du Musilac ce soir. C'est la deuxième année consécutive qu'on vient avec des amis. Donc c'est en train de devenir un peu un rituel, vu qu'une de nos amies a une maison à 3 minutes d'ici. Donc en vrai, on se dit que c'est une bonne opportunité de se retrouver un petit peu, passer un moment tous ensemble. Là, on est venu, donc on vient de Grenoble. Donc en vrai, on n'a pas trop de distance à faire, donc c'est plutôt cool. On vient pour le week-end. Donc on vient vendredi, samedi et dimanche pour se reposer un petit peu des festivités des deux derniers jours. Concernant qui on vient voir, en vrai, on n'a pas forcément d'attente en particulier. On a juste pris nos billets pour passer un moment tous ensemble. Et on se dit que de toute manière, la musique sera bonne ou pas bonne, mais c'est juste un moment de convivialité, se retrouver, s'amuser tous ensemble autour d'un truc qui nous unit. Toutes les semaines on fait des blind tests, donc en vrai on aime bien un peu découvrir la musique, donc on se dit que venir à des festivals c'est quand même intéressant. Pour ma part c'est le quatrième festival auquel j'assiste depuis ma naissance, donc petit à petit je commence à apprécier les festivals. Et tu as quel âge ? Ah pardon, j'ai 27 ans, donc pour le moment ça va, je peux encore tenir sur la durée, je peux rester jusqu'à tard le soir, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est super. Nous, ce soir, on anime une émission qui s'appelle Pop and Rock. Okay. Ce qu'on aime bien, c'est quand on rencontre des gens, c'est leur demander qu'est-ce qu'ils écoutent comme émission, ou alors plutôt quel groupe ils écoutent, ou qu'est-ce qu'il faut écouter aujourd'hui si tu écoutes du rock. Alors, je vous avoue que, comme je vous ai dit, on fait des blind tests. Donc en vrai, on essaie d'être un peu ouvert musicalement et un peu écouter de tout et n'importe quoi. Donc moi j'écoute, j'ai pas vraiment d'affinité particulière avec le rock. Je peux écouter ça, ça me dérange pas trop, c'est pas mon style préféré. Je suis plus adepte de la pop ou de l'électro, mais... Alors, quel groupe écouter en pop ou en électro alors? J'aime bien Breakbot, j'aime bien Parcel. Sinon, j'ai pas vraiment de... En fait, j'aime bien écouter tout et n'importe quoi. Tant qu'il y a du saxo, moi je suis content, donc ça va. Bon, merci en tout cas. Est-ce que demain tu es là? Ouais, demain on est là. Et on pense que ça va être encore mieux parce qu'on a un ami qui vient des États-Unis qui va nous rejoindre. Donc demain on sera là à l'ouverture et à la fermeture. Merci beaucoup. Bon festival à toi. Merci. Et à très bientôt. Bye bye. Si vous avez l'oreille fine pendant l'émission, ou du moins pendant l'interview de Mehdi, avait lieu le concert de Indochine, la bande Nicolas Sirkis. C'est pas forcément notre tasse de thé, mais il me semble bien que le Mickey 3D lui a écrit une chanson, rappelez-vous. Toujours le pire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était une captation de « J'ai demandé à la Lune » datant de 2007. Ok, j'ai un petit peu triché, donc on revient tout de suite à une captation que j'ai réalisée le 7 juillet à Musilac. Ça y est, les amateurs d'Indochine sont ravis. Le Nicolas Serkis est là avec sa guitare à Musilac, à Aix-les-Bains. Nous sommes le 7 juillet et vous écoutez Pop & Rock. Vous l'avez compris, nous sommes à Musilac et c'est Indochine qui est sur scène. Je crois que c'est la scène Montagne qui accueille Nicolas Serkis et ses copains pour une soirée folle avec Indochine à Musilac. Et vous êtes bien en train d'écouter Pop & Rock. Maintenant, le Nicolas, non seulement il chante, comme il peut, mais en plus, il joue de la guitare. Si, si, je vous assure. Et un peu plus tôt dans la journée est apparu Zaoui, ex de Thérapie. Avant c'était Thérapie Taxi, maintenant en solo ça s'appelle Zaoui. On l'écoute, c'est du rock français. Vous êtes bien sur Pop & Rock. C'est mon petit blaze. Allez tout de suite. On est à Musilac, okay. Pop & Rock avec Zaoui. Voilà, je suis Zaoui, je viens de faire un concert. Ma prochaine chanson. Ma prochaine chanson s'appelle Toute la France. Est-ce que vous avez pu l'écouter ? Vous êtes sur Pop & Rock, on est avec Zaoui à Musilac. Pardonne-moi, j'ai pu être vulgaire un peu terre à terre. Si sûr de moi, tu aimais ça, j'ai joué le gangster pour te plaire. Si loin de toi, déjà, je ferai tout pour qu'on se sème. Regarde-moi, les yeux dans les yeux. Suis-je assez classe pour un coup de cœur? Je suis si bien si la foule danse. Le son des basses pour cette romance. Besoin de flash, besoin de waouh. Besoin d'être assis de lumière. Dans un bel signe tout déjà. Toute la France est folle de moi. Je lui murmure, je ne suis rien sans toi. Elle s'endort, câline dans mes bras. Dans un délire qu'elle se refuse pas. Toute la France. C'était Zaoui à Musilac. Nous sommes le 7 juillet avec Pop & Rock. Bientôt minuit et quart, Pop & Rock est encore à Musilac et on attend pour l'arrivée des Walter Astral que nous avons déjà écouté plusieurs fois avec Le Feu dans Pop & Rock. Comme j'ai pas de captation pour eux, on se fait une petite version studio, mais je vous assure que leur version live est mille fois meilleure. C'est brûlant. Garde. qui est toujours à Musilac, et là on assiste aux balances de Walter Astral. Alors si vous êtes des amateurs de pop and rock, vous reconnaissez certainement l'intro de Le Feu, le titre que nous passions régulièrement dans Pop and Rock sur RVR. Nous sommes le samedi 8 janvier, il est presque 1h du matin et on assiste aux balances de Walter Astral. Les deux druides de Walter Astral nous parlent du feu, nous parlent de l'eau, mais nous parlent également de l'air. Ce soir, on est à Musilac et on est tout près de Margot. Salut Margot. Salut. Bah moi, du coup, bah c'est Margot. Je suis venue à Musilac parce que c'est ma maman qui m'a payé la place pour mon anniversaire. C'était pour voir Indochine. Et avant. Attends, mais Indochine, c'est un truc de vieux, ça. Bah vraiment pas. C'est pour tout le monde, Indochine. C'est trop bien. Et oui, en fait, avant, avec mon papy, il habite à Aix-les-Bains, donc c'est là où se passe Musilac, et on allait en vélo derrière la grille et on écoutait, et j'ai fait ça depuis vraiment toute petite. Et voilà, ben, j'avais dit à ma mère que j'avais vraiment envie d'y aller, et ça y est, j'y suis. Très bien, et donc là, maintenant, je te trouve devant la scène, le corner, hein, ça s'appelle, je crois, et tu viens voir Walter Astral, tu peux nous en parler ? Oui. Et ben, ces deux artistes qui ont l'air vraiment, vraiment intéressants. Moi, j'avais découvert ça grâce à Musilac, en fait. J'avais regardé un peu les artistes qui se produisaient et j'étais tombée sur eux. Et j'aime bien découvrir beaucoup de nouveaux artistes, donc j'ai écouté un peu leur son. Et vraiment, ils font vraiment des choses excellentes. Bah, là, il n'y a pas longtemps, ils ont sorti Mirage, normalement. Et ils ont vraiment leur monde à eux, leur univers. Et c'est super intéressant d'écouter. Vraiment, je vous conseille. Merci. Donc avec Margot, il y a Pauline. Pauline qu'on retrouve donc devant la scène de Walter Astral pour nous parler un petit peu de ce qu'elle fait ce soir avec sa copine. Dis-moi. Moi, au début de soirée, je suis allée voir Luigi PK et Indochine. Et là, j'ai écouté quelques sons des deux artistes qui vont passer sur la scène Corner. Et ça avait l'air super cool. Et donc, je suis vraiment contente de découvrir ces artistes ce soir. Alors... C'est pas grave, c'est pas grave. Là. Alors Margot, quel âge tu as et qu'est-ce que tu écoutes ? Qu'est-ce qu'il faut écouter comme musique aujourd'hui ? Eh ben moi j'ai 16 ans et j'écoute vraiment de tout. Alors en ce moment j'écoute beaucoup de bossa nova, mais j'écoute aussi de la techno. J'écoute vraiment vraiment de tout quoi. Surtout du rock aussi, du post-punk. Oui, du rock et de la chanson française. Des noms de groupes qu'il faut écouter, que tu nous conseillerais ? Oula, Allez, je te laisse réfléchir, je demande à Pauline. Pauline, quel âge et qu'est-ce que tu écoutes comme musique ? Moi j'ai 17 ans et j'écoute principalement du rap, mais après pareil, j'écoute un peu de tout, j'écoute aussi de la techno, ce genre de choses. Et comme groupe que j'avais découvert d'ailleurs l'année dernière à Musilac, j'avais vraiment aimé Ascendant Vierge et je trouve ça super cool. Et sinon cette année... Bon, on est à côté d'un anniversaire, je pense. Mais Pauline va finir de nous expliquer un petit peu tout ça. Et sinon, cette année, j'ai vraiment aussi aimé L'Homme Pâle que j'étais venue voir déjà en concert, puis à nouveau à Musilac. Voilà. Alors Margot, qu'est-ce qu'il faut écouter ? Un groupe, un artiste ? Dis-nous. J'ai vraiment aucune idée parce que moi, j'écoute vraiment des trucs de vieux, en fait. Mais je dirais qu'en ce moment, c'est les artistes qui sont vraiment en grande montée, qui sont un peu les leaders de la chanson française, bah, c'est L'Homme Pâle. Du coup, lui, il est vraiment au-dessus. C'est surtout le rap, en fait, je pense, en ce moment, qui domine bien. Après, ouais, j'ai vraiment pas d'exemple, en fait, je sais pas du tout. Moi, j'écoute vraiment que des trucs de vieux, quoi, donc voilà. C'est très bien, merci Pauline, merci Margot, et puis bon Musilac. Merci, merci. Tout a commencé dans l'eau salée. Tout a commencé dans l'eau salée. Et pour faire plaisir à Margot, un troisième titre de Walter Astral, après l'air, après le feu, voici l'eau. Tout a commencé dans l'eau salée. après une nuit difficile à vivre au travers de Musilac, on est rentré dans une belle demeure, on s'est reposé. Le lendemain matin, rendez-vous avec Thibaut et Lucas à la piscine. Salut Lucas, tu peux te présenter ? Enchanté Eric, bah moi c'est Lucas, j'ai 26 ans, je suis de la région. C'est toujours un plaisir de venir à Musilac, on profite bien, il y a plein de concerts qui sont plutôt pas mal. On est où là en ce moment là ? On n'est pas à Musilac, à quel endroit on se trouve ? Alors on se trouve précisément au Petit Nice, un petit endroit où il y a des gîtes plutôt qualitatifs. et on est à 10 minutes du festival et c'est assez sympa. Présentement on est au bord de la piscine et on profite du beau temps. Alors pour l'instant Musilac, on parle de Musilac, tu as vu quoi ? Tu as fait les 4 jours, tu as fait 3 jours, qu'est-ce que tu as vu pour l'instant à Musilac ? Alors pour l'instant moi on fait que le week-end. Pour l'instant, j'ai vu de notoires Indochine, Petit Biscuit. Indochine, c'est un groupe de très vieux, ça, pourtant, à 26 ans. On écoute Indochine. Non, mais sérieusement, à 26 ans, tu connais Indochine comment ? Alors, il y a beaucoup de groupes de vieux, c'est vrai, mais Indochine, ça reste quand même la base, et même à 20 ans, tout le monde aime Indochine. Super. Comme musique, tu écoutes quoi ? Parce qu'Indochine, on en a parlé d'Indochine. Dans ta vie de tous les jours, est-ce que la musique, c'est important ? Et si oui, qu'est-ce que tu écoutes en général ? J'écoute à peu près tout, de la variété française, du rap, tout ce qui passe. Un truc que j'aime pas trop, c'est les sons un peu latino, les trucs comme ça, la DT, ça me plaît pas trop, mais sinon je suis assez ouvert sur tout type de musique. Super, bon là on a eu le bon client pour l'interview, après on passe sur un second client, je crois que c'est Thibaut. Alors je dis ça parce qu'on a un petit peu parlé avant l'interview, alors on va faire la même chose, petite présentation Thibaut, et puis tu nous racontes pourquoi tu es là, pourquoi tu vas voir Musilac, et même chose, tu nous parleras de la musique ensuite. Petite présentation ? Avec plaisir. Alors moi c'est Thibaut, j'ai 25 ans, je suis ostéopathe en Suisse, à Lausanne, mais je suis d'ici de base, j'ai habité pendant longtemps à Aix-les-Bains et mes parents habitent toujours ici, donc je profite de venir les voir et de boire quelques canons pour Musilac. Donc hier tu étais à Musilac, donc comme Lucas, Indochine ? Ouais, Indochine. Moi, je suis pas très musique directement, on va pas se le cacher. J'écoute pas énormément de musique, à part des trucs one-shot qui me font marrer. Mais par contre, je suis très ambiance rugby copain, donc c'est surtout les Indochine, on l'a pas mal entendu en troisième mi-temps. Bon, autre chose, Lucas, tu peux nous dire éventuellement s'il y a un truc qu'il faut qu'on écoute ? L'émission que j'anime s'appelle Pop and Rock, on fait essentiellement du rock anglo-saxon. Ouais. On peut passer d'autres trucs ? On est très ouvert. Est-ce que tu pourrais nous conseiller un truc que tu écoutes en ce moment ou un truc que tu écoutes depuis très longtemps ? Une suggestion particulière, comme ça ? Je sais pas, Thibaut, est-ce que toi, t'en aurais une ? J'en ai pas tout de suite. Est-ce que toi, t'en aurais une ? Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Bien sûr. Ça, c'est une question piège pour Thibaut. On t'écoute. Alors moi, sans blague, ma musique de tous les temps et que j'écoute encore fréquemment, c'est Cœur de Pirate, comme des enfants, qui est une de mes musiques préférées. Donc, elle est bien pour tout le monde. Et je crois que tu les as vus à Musilac quand ils sont passés il y a quelques années. Ils sont passés à Musilac il y a quelques années. Les avais-tu vus ? Je crois. Je ne me rappelle plus, honnêtement, parce que c'était il y a quelques temps. Mais ça me dit quelque chose, effectivement. Merci. Bon, Lucas ? J'aurais pas de suggestion. Attends. Lucas ? Ouais, j'aurais pas de suggestion particulière, moi, finalement. Que les gens écoutent ce qu'ils ont envie d'écouter. Mais j'aime un peu plus la musique que Thibaut, mais oui, pas de suggestion particulière, pas d'artiste préféré, pas de choses comme ça. Merci Lucas, à bientôt. À bientôt, Eric. À la prochaine. Thibaut, merci. Merci beaucoup, au revoir. Comme tout ce mal, les du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant, et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort. C'en est assez de citer doublement. C'est plus dur à faire qu'autrement. Car sans rire c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants. Le bonheur ou l'œuvre peu naïvement. Et on marche ensemble d'un pas décidé. Alors que nous et malgré ça il m'aime encore. Et moi je t'aime pas plus fort, mais il m'aime encore. Et moi je t'aime pas plus fort, et malgré ça il m'aime encore. Et moi je t'aime pas plus fort. Vous l'avez sans doute reconnu, c'est pas forcément notre tasse de thé, mais on a passé Cœur de Pirate pour rendre hommage à Thibaut, l'amoureux de... Ben non, il aime pas la musique, donc c'est un amoureux de... Ben de la vie déjà, c'est déjà pas si mal. Mais bon, les interviews auraient dû se poursuivre, mais votre serviteur, dans son euphorie, s'est fait une belle entorse à la cheville gauche, donc là, rendez-vous ostéopathe. Et malheureusement, eh ben du coup, on n'aura pas les interviews que j'avais espéré pouvoir faire des 400... Enfin, des 480... De quelques-uns des 480 bénévoles de Musilac, grâce à qui ce festival restera jamais comme une belle aventure. Mais... pour ne pas couper court, on va quand même se proposer pour terminer notre pop and rock un C'est la Chou. Je sais, c'est pas non plus ce qu'on écoute, mais elle a fait un beau spectacle à Musilac samedi soir. Et bien évidemment, une dernière chanson également de Franz Ferdinand qui, pendant une heure, nous a bien fait planer. Mais on commence par C'est la Chou. Real danger, this world ain't simple, but I'm strong, I know how to get out, and I'll find my way, cause it's love, real simple, and that's how it works, oh, so won't you just give it up, cause you don't understand. C'est la Chou avec This World, je le sais, c'est pas forcément ce que nous préférons, mais bon, elle mérite bien un petit hommage suite au magnifique concert qu'elle a offert au public de Musilac à Aix-les-Bains. Et pour enchaîner, on fonce sur du plus classique pour nous, Franz Ferdinand qui, lors de ce beau festival, a invité sur scène une Clara Luciani enceinte. et j'ai appris par hasard, ou du moins non, en grattant un petit peu, que le papa n'était autre que Alex Capranos, chanteur de Franz Ferdinand. Notre émission spéciale Musilac édition 2023 se termine. J'espère que vous avez un petit peu voyagé avec nous à travers tous ces magnifiques artistes qui chaque année nous permettent de nous ressourcer. Merci tout particulier à Annabelle et Sébastien de Musilac qui ont été d'une grande écoute, d'une grande patience et d'une grande gentillesse pour nous accueillir, nous, petite radio associative. RVR et Pop'n Rock les remercient. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et bien évidemment, bis à tous. Mais on se quitte avec un dernier Franz Ferdinand. Franz Ferdinand peut en cacher un autre. Allez, bis à tous. You are the latest contender.